Qui a se poser, c'est celle-là. Et nous, on a choisi depuis très longtemps, même si on a pu subir la répression, on a pu subir l'obstruction, on continuera le combat parce que les électriciens et gaziers seront toujours là. Même peu nombreux seront toujours là. Faites du bruit les gars et les filles. Eh ouais. Eh ouais.